je ne sais pas si je m'en vais. Si d'aventure, moi je partais. Je ne sais pas ce que tu ferais. Si d'aventure, je m'en allais. Je ne sais pas dire au revoir. Reste là. La nuit je pense dans le noir. Que le jour nuit à toutes mes nuits. Je ne sais plus ton sourire. Je ne sais si ce sont des perles de pluie. Je ne sais pas. Je ne sais pas si près de moi. Je ne sais pas si je m'en vais.